comme il fit le tour de la terre. À l'époque, il n'y avait pas quartier. C'était fusil en bandoulière. Il n'aura pas choisi l'habit que d'autres lui ont mis sur le dos. Peut-être que si j'avais été lui, j'aurais peut-être pas fait que le beau. Qu'il croise et qu'il fait rire, tête penchée et main gantée. Tu n'as choisi pas ton ennemi quand ta famille est mise en jeu. Tu hoches la tête et tu dis oui, bien malgré toi, bien malgré nous. Quartier, en ramassant sur les trottoirs tous les objets abandonnés par des citoyens sans mémoire. Tu n'as choisi pas de tirer quand t'es demandé à bout portant là. Tu tues et tu te tais, j'avais pas tant que ça. Quartier, au coin de la bouche, son vieux mégot qui n'a plus jamais rallumé depuis que c'est la télé qui fait le héros. Nanana, nanana, nanana, nanana.